culture a une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour, il est midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus, sur campuslille.com ou sur DAB+, c'est vous qui choisissez. Et vous vous apprêtez à écouter Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque, une association d'éducation populaire. Pour vous servir aujourd'hui, à la pause musicale, aux manettes et au calendrier militant, évidemment Florent. Pour l'interview, Didier le Nouvelliste, Ludovic au look gramscien, Morgane le Petit Nouveau et Christian au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Eh bien, ce sera une émission en deux parties avec un petit hic d'entrée, c'est que notre invité n'a pas pu se libérer de son samedi matin. Et donc, nous allons faire l'émission entre nous. Ce n'est pas vraiment scandaleux parce qu'on avait aussi prévu éventuellement de la faire entre nous. Donc, deux parties pour cette émission. Une première partie consacrée au sens du travail. Alors là, j'explique un peu ce que je n'aurais pas pu expliquer à notre invité. C'est que nous avions voulu compléter une émission qui nous a semblé insatisfaisante en novembre sur le sens du travail. Et ça tombe bien puisque notre invité a écrit sur le sens du travail aussi. Je pense évidemment au mois de novembre, c'était Thomas Coutreau qui était notre invité. Donc on reviendra sur cette question-là dans une première partie. Et dans une deuxième partie, on verra que le thème n'est pas complètement étranger au premier. C'est la réindustrialisation de la France, la nouvelle marotte de Macron, on va l'appeler comme ça. Donc deux parties. Je veux dire quand même que notre invité est Mireille Bruyère, qui est maître de conférence à l'Université de Toulouse de Jean Jaurès, qui a écrit un article sur le sens du travail, je l'ai déjà dit. Oui, je vous laisse la présenter. C'est une maître de conférence, elle est membre des économistes atterrés et elle est également membre du conseil scientifique d'attaque. C'est donc une co-religionnaire. J'adore ce mot. Bien, on va passer tout de suite à la première partie sur le sens du travail. Et c'est Didier qui va s'y coller. Oui, donc sur le sens du travail, donc, comme l'a dit Christian, on avait beaucoup travaillé sur une émission qui est passée en novembre avec Thomas Coutreau. Donc, ce qui était intéressant aussi avec Mireille Bruyère, c'est qu'elle replaçait un peu cette problématique-là. Bon, il y a des théories sur le travail, bon, notamment celle de Jeremy Rifkin qui estime que le travail est appelé à baisser et que bon, il parle de fin du travail, mais il y a aussi des théories qui viennent notamment de Thomas Coutreau, mais aussi de Daniel Linhart et de beaucoup de sociologues du travail qui estiment justement que le travail n'est pas mort et que c'est justement là, il milite pour une prise en compte, une prise en charge différente du travail, donc qui s'appuie sur les besoins des salariés, sur les collectifs de travail, sur des nouvelles organisations. Et c'est justement ça qu'on n'avait pas eu le temps vraiment de traiter avec Thomas Coutreau. Par exemple, l'économie sociale et solidaire, il y avait évidemment les coopératives, les SCOP, les SKIC, etc. Bon, lui avait toute une liste, une gamme de solutions qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'évoquer. Oh, lui, c'était bon, son propos, c'était de remettre le travail dans le débat public et notamment à gauche. Et c'est là-dessus qu'avec Coralie Pérez, leur dernier livre, c'était au titre assez explicite, donc « Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire ». Et c'est bien sûr là-dessus qui milite. Et je crois que nous, à Attaque, on est aussi très sensibles à ces thèmes. Oui, en effet. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce que Jeremy Rifkin pense aujourd'hui de ce qui s'est passé après lui. Il avait effectivement écrit un livre qui s'appelle « La fin du travail », dans lequel il voyait le troisième âge de l'information et de la révolution scientifique et technique, une voie pour la disparition des agriculteurs, des cols bleus, des métiers et l'apparition de métiers peu qualifiés. On profite partie qui constituerait une majorité de pauvres, des classes moyennes déclassées, et comme tu viens de le dire, effectivement, à contrario, une émergence d'un secteur de l'économie sociale et solidaire. Les solutions qui sont prônées par Coutreau et d'autres, d'ailleurs, je pense à Daniel Linhart, peuvent apparaître de bon sens. Disons, pour nous, on aurait aimé justement avoir le débat avec lui en novembre, mais disons que c'est quand même des solutions qui nous paraissaient pas, enfin je crois pas me tromper, nous paraissaient pas amener une vision radicalement différente du travail, simplement... Coutreau insiste énormément sur la démocratisation de l'entreprise, la démocratisation du travail, qui est malheureusement la démocratie, c'est l'angle mort de l'entreprise, et c'est là-dessus qu'il voulait essentiellement alerter. Oui, d'ailleurs, il me semble bien avoir entendu un jour Martine Aubry dire que la démocratie, ça s'arrête à la porte de l'entreprise, quoi, quelque chose comme ça. Enfin, si c'est pas elle, c'est pas loin, quoi. Hein. C'est un peu la mentalité. Et donc, c'est vraiment le problème. Je reviens sur Jeremy Rifkin aujourd'hui parce que il semblerait que son idée de polarisation entre les riches et les pauvres, je ne suis pas sûr que ça marche, encore que les travaux de Piketty montrent qu'effectivement, qu'il y a un appauvrissement quand même de la société. Bon, donc effectivement, on avait regretté ça. Et puis, donc, j'ai regardé ce qu'a pu faire effectivement dans ses travaux Mireille Bruyère avec une maîtresse de conférence de Paris, je ne sais plus quel Paris, enfin de Laurence Lisée. Donc elles ont travaillé sur le sens du travail avec quelque chose d'un peu plus sophistiqué, si je peux dire, que ce qu'a fait Coutreau, à savoir... elles ont essayé de raisonner sur toutes les deux sur le lien qui existe entre le sens du travail chez les salariés et les contextes économiques et organisationnels de l'entreprise dans lequel les salariés se trouvent. Et donc c'est pas inintéressant effectivement puisque en plus c'est basé sur quelque chose d'extrêmement solide hein 6724 salariés interrogés par l'INSEE rattachés à 5496 établissements. Donc c'est plutôt marrant le nombre d'établissements par rapport au nombre de salariés mais enfin et donc ils ont sorti des données macro-factorielles comme elles disent de l'INSEE pour comprendre, essayer de comprendre l'évolution, les différentes dynamiques de l'emploi, du travail, pas de l'emploi, effectivement, des dynamiques productives de l'entreprise. Et donc, elles ont imaginé plusieurs cas de figure d'entreprises donneurs d'ordre, entreprises sous-traitantes, entreprises à gestion flexible de production et de l'emploi, des entreprises qui se recentrent sur leur métier et des entreprises dans les mêmes qui organisent la normalisation du travail et la standardisation du travail, les entreprises qui travaillent sur l'individualisation du contrôle et l'évaluation du travail et enfin la financiarisation des entreprises. En face de cela, elles disent toutes les deux que ce sont des faits stylisés, il y en a 6. En face de ça, elle donne ce que leur étude leur permet de voir, quelles sont les conditions du sens du travail. Et donc, elle appelle score, ce que Coutreau appelle tout simplement rappelle-moi le terme, il utilise les éléments du sens du travail. Donc, on retrouve l'utilité, l'éthique, on retrouve un peu d'autonomie, mais on retrouve pas, comme chez Coutreau, le sens, effectivement, du développement du travail. Donc, elle travaille sur l'autonomie, sur le temps laissé au travail et sur le collectif. Et donc, dans un certain nombre de cas, effectivement, elle trouve qu'il y a des points positifs dans les entreprises, et ça, on va retrouver immédiatement Coutreau. Les points positifs pour les gens qui se sentent utiles au travail, bien c'est la présence des IRP, des institutions représentatives des salariés. Juste une parenthèse, Coutreau parle beaucoup justement de la liberté, du pouvoir d'agir, de la capacité d'agir des salariés, qui est pour lui un élément fondamental de ce qu'on pourrait appeler le bonheur au travail, en exagérant un peu, quoi. Oui, alors effectivement, donc si je reprends la terminologie, je vais en rester là pour ce qui concerne les travaux de Lisée et de Bruyère, il se trouve que pour les gens qui sentent une utilité de leur travail, Coutreau l'avait souligné, les institutions représentatives du personnel, c'est quelque chose de positif. L'augmentation du taux de marge, curieusement, donc excédent brut d'exploitation sur valeur ajoutée, est un élément positif. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui fonctionne, en fait, qui fait du profit. Et également, d'ailleurs, l'augmentation du capital. Donc, c'est une entreprise plutôt heureuse, on va dire. Alors, pour l'utilité, ça concerne les entreprises qui sont donneurs d'ordre, évidemment, on peut imaginer cela. Et par contre, ce sont aussi des entreprises qui industrialisent et leur contrôle et l'évaluation du travail. Voilà comment je trouvais ça. Ensuite, dans les points négatifs concernant l'utilité et l'éthique, eh bien, il semble que les entreprises à marché étendu, flexible et en sous-traitance sont celles qui souffrent plus, là où les salariés souffrent plus de manque de perception de leur travail et de manque d'utilité. Et là aussi, effectivement, ce sont des entreprises pour autant qui augmentent leur taux de marge, mais par contre, qui augmentent plutôt leur taux d'accumulation, c'est-à-dire la formation brute de capital fixe sur les immobilisations, donc sur l'investissement des entreprises. L'investissement, on l'a bien compris, se fait au détriment des salariés. Donc j'arrête là sur l'esprit, c'est un peu l'esprit de ce travail qu'ont fait ces deux maîtresses de conférence sur la base effectivement des travaux de l'INSEE. Alors, je ne reviens pas sur ces questions-là. Ce qui était intéressant, c'est puisqu'on parle de l'utilité du travail et l'éthique du travail, il y a aussi la fameuse enquête sortie récemment de la DARES, qui est sur l'expression. Alors, c'était quoi le titre de la DARES? Tu l'as, Ludovic? Non, tu l'as pas là sous les yeux? Non. C'est à propos de la soutenabilité du travail. L'essentiel, c'était ça. C'est le numéro 17 qui est le numéro 17 de l'analyse de la DARES. De mars 2023. De mars 2023, exactement. Merci. Voilà. Où on voit qu'à la question, et c'est vraiment dans le sens qui va que souhaite Coutreau, où on va dans le sens de la soutenabilité du travail. En fait, la question posée était « Vous sentez-vous capable de faire le même travail jusqu'à votre retraite ?» Eh bien, 37% des salariés répondent négativement. Les femmes, 41%, plus souvent que les hommes, 34%. Donc ça fait un tiers des salariés aujourd'hui qui sont au travail, je précise quand même. Quelque chose qui est assez significatif, mais pas forcément contradictoire, c'est que 59% des moins de 30 ans se prononcent pour, effectivement, non, je ne ferai pas ce travail jusqu'à la retraite, ce n'est pas possible. Alors, c'est évidemment, ça corrobore très justement à leurs conditions de travail aujourd'hui. Ce n'est paradoxal qu'en apparence, certains de ces salariés de moins de 30 ans occupent les postes les plus exposés aux risques professionnels, etc., à la précarité. Donc, forcément, ils ne peuvent pas continuer comme ça. Didier. On peut quand même constater qu'après 5 mois de mobilisation syndicale, mobilisation sociale contre la réforme des retraites, c'est quand même des réponses qui nous alertent sur justement l'acceptation de la dite réforme. Oui, alors évidemment, Coutreau ne pouvait pas tomber sur ce travail de Michael Béatrice, donc de la DARES, et effectivement, il nous dit, ben voilà, ben, quelles sont les conditions, qu'est-ce qui fait que on a autant de difficultés à vivre au travail? Oui. Moi, je pensais justement, en fait, pour donner un peu une image concrète par rapport à ces salariés qui ne se voient pas travailler jusqu'à la retraite, bah, simplement aux éboueurs, en fait, qui, au moment de leur grève, disaient « je veux pas mourir derrière le camion Ben » ou bien des travailleurs de l'automobile. Alors, en fait, qui disaient qu'effectivement, il y avait un gain par la technologie de faire des tâches plus rapidement, en fait, de porter des moins grosses charges. Mais plutôt que de soulager le travailleur, bah, le patron en profitait pour demander une plus grosse productivité, en fait. Oui, donc, effectivement, ouais. Bien sûr. Je précise quand même que tout n'a pas été mauvais dans les entreprises nationalisées. Moi, je me souviens, j'animais des groupes de formation chez Renault. Et Lévy, le patron de l'entreprise nationalisée de l'époque, expliquait effectivement, lui, qu'il voulait faire des voitures avec les gens de chez Renault. Ça a un tout petit peu changé, je ne parle pas d'euphémisme, avec Carlos Ghosn, mais il était prévu, dans le droit fil de ce que disait à l'instant Morgane, il était prévu pour les travailleurs un peu vieillissants, d'avoir des praticables qui leur permettraient de faire le même boulot, mais dans des conditions physiquement plus acceptables. Alors, voilà, on peut discuter ça, mais c'était quand même une opinion. Aujourd'hui, Renault fonctionne essentiellement avec des intérimaires. Voilà. Pourquoi je disais ça? Oui, parce qu'il y avait un autre effet de manque d'intérêt et pour le travail, et surtout de manque de soutenabilité du travail. Il y a beaucoup de gens qui sont exposés à des risques psychosociaux, et notamment ceux qui sont en face du public, que ce soit derrière un guichet ou que ce soit dans des EHPAD ou des métiers de ce type-là. C'est des travaux difficiles qui nécessitent une santé excellente, et justement c'est précisément pas ceux-là qui fonctionnent, qui sont durablement au travail, et ça on souffre beaucoup d'être exposé au public. Didier. Oui, c'est justement les métiers des services, et c'est bon, on parle beaucoup de l'hôpital en ce moment, mais c'est la pression du client qui est quand même générée, qui est pas tombée du ciel. Enfin, je veux dire, le client, les exigences du client sont quand même diffusées par les directions d'entreprise, et c'est un moyen, enfin c'est une ruse un peu pour dire justement que eux ne sont pas pour combattre la souffrance au travail par des artifices un peu cosmétiques. Il y a du ping-pong, il y a du baby-foot, il y a des ateliers de ce qu'on veut, de sophrologie, etc. Mais en fait, ils se servent bien justement des exigences du client pour maintenir la pression sur le salarié. Et c'est de plus en plus prégnant. Et ça fait, en termes de risques psychosociaux et de maladies au travail, ça fait de plus en plus de dégâts. Enfin, on le sait depuis assez longtemps. Mais je crois que c'est mis en valeur, encore une fois, par ce rapport de la DARES. Alors, effectivement, et on va retrouver et Coutreau et Mireille Bruyère sur la même chose. Les changements organisationnels aujourd'hui sont dans le sens de augmentation de la pénibilité. C'est ce que tu viens de dire, augmentation de l'intensification du travail, et donc pèse beaucoup sur le travail et bien sûr sur le sens du travail. Alors, de ce point de vue, évidemment, alors Coutreau, c'est un peu son dada, hein, il a parlé effectivement de la grande démission, et ça, effectivement, on en a parlé avec lui. Il se trouve qu'une partie des salariés, trouvant insupportable leur boulot, eh bien le quitte, tout simplement. Et j'avais cité de mémoire lors de l'émission de novembre, plusieurs cadres supérieurs d'entreprise qui ont quitté leur entreprise, qui se sont fait une formation de CAP plombier, qui sont installés à leur compte et qui s'y retrouvent beaucoup mieux dans le sens du travail. Enfin, je suppose pour eux que c'est comme ça en tout cas. Donc, le problème, c'est aussi, et ça va dans le même sens, on a pas suffisamment parlé avec Coutreau, c'est que c'est ressouligné par un article de Dominique Méda dans Le Monde, son billet Dominique Méda, qui rappelle des choses qu'on oublie un tout petit peu en France, c'est que la France est la championne du monde des accidents du travail, c'est la championne du monde des morts au travail, des accidents donc mortels, et ce qui fait effectivement que la situation, on comprend mieux, je veux dire à contrario, on comprend mieux pourquoi dans des pays comme la Suède ou la Norvège, on peut vivre plus longtemps au travail, jusqu'à 70 ans, on n'est pas dans le même rythme de travail, quoi. C'est ça la question. Oui, il y a d'ailleurs un sociologue qui s'appelle Lépine, j'ai oublié son prénom, qui a fait une recension un peu des accidents, enfin des morts au travail, hein, et c'est quelque chose, un phénomène qui est de plus en plus prégnant. Maintenant, c'est pas un sociologue, c'est un prof de DSES qui fait une comptabilité, puisque effectivement, il estime que les institutions qui sont censées le faire ne le font pas, donc. Intervention intempestive. Excuse-moi. Et sinon, sur le phénomène de la grande démission que pointait Coutreau, bon, faut quand même, même si ça s'est accentué avec l'épisode de la pandémie, je crois qu'il faut quand même relativiser le phénomène dans la mesure où, c'est pas allez hop, tout le monde à la campagne et on change de métier, on change de vie. Enfin, c'est un phénomène qui est quand même assez marginal, même si effectivement il y a quand même c'est une tendance sociétale qui est là. Mais bon, est-ce que c'est vraiment massif? La question est posée. Quoi. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et puis d'ailleurs, il reconnaît aussi un peu Coutreau que c'est quand même pas énorme. Mais il estime que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Quoi, Aux États-Unis, c'est plus important qu'en France. Oui, par exemple. Après, quel sens on peut lui en donner? C'est ça, c'est la question qui est aussi posée. Est-ce que finalement, il n'y a pas une... Alors, effectivement... Il bifurque vers quoi? Est-ce qu'il bifurque vers des emplois qui sont plus valorisants ou tout simplement c'est... ou alors vers le chômage, ou tout simplement vers l'assistance, ou je sais pas, enfin, c'est une question aussi. Oui, parce que ça suppose que du coup, il y a des emplois plus favorables, plus valorisants que d'autres. Ce que dit l'enquête de la DARES et Thomas Coutreau, c'est que ceux qui changent de boulot s'y retrouvent. Ils ont plus d'autonomie, on les retrouve un peu les critères qu'il avait mis en avant. Alors, effectivement, la question qui se pose, Dominique Méda, mais on l'avait entendu déjà ici avec Thomas Dallery, il y a quelques années, lorsqu'il a présenté son bouquin collectif « L'entreprise liquidée », il faudrait quand même, et Dominique Méda reprend ça dans son article dans le Monde de je ne sais plus quand, mais je retrouverai, il faut quand même mettre les deux parties constituantes de l'entreprise, les investisseurs en travail et les apporteurs de capitaux, sinon à égalité, au moins dans une proportion plus raisonnable pour l'organisation du travail. Et c'est là qu'on retrouve la proposition de Thomas Coutreau, qui est de prévoir dans le temps de travail une partie destinée aux salariés, y compris avec l'entrepreneur d'ailleurs, destinée aux salariés pour réfléchir à l'organisation de son travail, sachant que la proposition de Coutreau, c'est jusqu'à ce temps de travail n'est pas subordonné à la relation de subordination du travail qui est le mode de fonctionnement de l'entreprise. Effectivement, c'est ce qui me paraît le plus important dans le bouquin de Coutreau, parce qu'en plus, ces espaces justement qui seraient dédiés à l'organisation du travail sont pris sur la réduction du temps de travail. Ce qui est quelque chose quand même d'assez fondamental dans sa pensée et qui est extrêmement important de mon point de vue. Alors, le sens du travail, les entreprises perdraient-elles le sens du travail ? On constate aussi, c'est la question qu'on avait bien mis de côté pour Mireille Bruyère, c'est qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la baisse de la productivité du travail ? Oui, et donc, c'est Ludovic qui va essayer de répondre à la place de Mireille Bruyère. Je n'aurais pas cette prétention. Oui, alors en ce moment, ce qui agite effectivement le landerneau des économistes, c'est de répondre, d'expliquer le paradoxe suivant, à savoir que les entreprises créent beaucoup d'emplois en ce moment, alors même que la productivité baisse. On peut citer effectivement le commerce, par exemple, si on prend les chiffres de l'INSEE, l'emploi a augmenté de 5,4% depuis la fin de 2019, alors que la production dans ce secteur n'a cru que de 1,25%, ou l'hôtellerie-restauration qui affiche une hausse de 8,7% de l'emploi avec une croissance de la productivité de 2,6%. Dans le domaine de l'eau, l'énergie et les déchets, c'est pareil, la production a reculé depuis fin 2019 de 2,2% une hausse de l'emploi, alors qu'on avait une hausse de l'emploi de 4,6%. Et agroalimentaire, c'est pareil, baisse de la production de 1,7% alors qu'on a une hausse de l'emploi de 6,4%. Donc en d'autres termes, la hausse de l'emploi cache une vérité effectivement qui est un peu gênante pour le gouvernement, hein, qui se targue de créer des emplois. L'emploi créé depuis plus de 3 ans, voire même un peu plus, permet de produire moins. Donc là, il y a une forme de paradoxe. Pour le dire autrement, et pour reprendre la fameuse formule de Sarkozy, c'est travailler plus pour produire moins. Donc comment expliquer ça ? Donc je m'appuie un peu sur les travaux, comme toujours, de Romaric Godin, qui est décidément toujours une lumière sur ces questions. Donc il explique que dans une économie capitaliste, l'essence de toute activité marchande, ça n'est pas le plein emploi, c'est la production de profit. Or, pour être rentable, une telle activité a 3 solutions. Première, gagner en productivité. Deuxième, comprimer les conditions de travail. Troisième, recourir à des subventions. Comme la productivité baisse, comme la première solution baisse, il ne reste plus que les 2 autres. Comprimer donc les conditions de travail et recourir à des subventions. Or, ce que l'on constate, c'est justement la confirmation de ça, c'est que jamais les États, et notamment l'État français, n'ont autant subventionné le secteur privé. L'Institut de recherche économique et sociale, donc l'IRES, avait estimé ce phénomène à près de 160 milliards d'euros. D'ailleurs, il me semble que Laurent Cordonnier avait publié un... Ah, absolument, oui, oui, c'est un travail donc, il montre qu'effectivement, il y a une espèce de... On pourrait parler d'un socialisme de l'offre, finalement. C'est-à-dire que le privé est massivement, et depuis le Covid, c'est encore plus vrai, est fortement subventionné. L'industrie manufacturière en France bénéficie des plans de relance, 130 milliards d'euros, et a vu l'emploi augmenter, pareil, de 1,5%, alors même que sa productivité baisse de plus de 4%. Et donc à cela, il faut évidemment ajouter, ou plutôt mettre en évidence, le soutien direct à la création d'emplois à bon marché de la part de l'État. Par exemple, les apprentis sont lourdement subventionnés, par exemple. Oui, bah, tu parles du CICE, voilà, tu parles de... Et donc, du coup, ça... C'est un pognon de dingue, voilà. Et donc, ce qui est intéressant chez Godin, parce qu'il dit que finalement, le coût direct de ces créations d'emplois, donc artificielles, donc par l'argent de l'État, a pour conséquence une dégradation des niveaux de vie des salariés. Donc, en effet, la période est marquée par une pression très forte sur les salaires. Les salaires réels ont été sous la pression depuis quasiment la fin 2021. En France, selon donc la DARES, le salaire mensuel de base augmente moins vite que le taux d'inflation. On sait que le taux d'inflation augmente donc depuis notamment le deuxième trimestre 2021. Au premier trimestre 2023, il est encore en recul en termes réels de 0,9%. C'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout. Aux États-Unis, le salaire réel a reculé de 0,5% sur un an, en avril 2003, et en Allemagne, pareil, les salaires réels sont en baisse, etc. Donc finalement, cette subvention, comme donc l'explique Godin, c'est assez logique, parce qu'il n'est pas possible de payer grassement des emplois non ou peu productifs. Donc la condition de la création de ces emplois, parce que effectivement, Macron se targue d'avoir créé beaucoup d'emplois, la condition de la création de ces emplois peu productifs ou pas productifs, c'est plutôt des salaires faibles. Et donc c'est pourquoi la hausse de l'emploi n'entraîne aucune amélioration de la situation du monde du travail. Et donc dans ces conditions, on comprend en quoi ce « miracle » entre guillemets de l'emploi peine à réjouir les salariés. Son prix social est élevé, il induit non seulement des salaires faibles, et qui perdent rapidement de leur valeur, mais aussi des hausses de prix massives sur les produits de première nécessité. Enfin, leur caractère hautement subventionné fait pression sur les dépenses sociales, et prépare, à mon avis, dans le futur, une forme d'austérité. Puisque À un moment donné, on dira, voilà, on a dépensé un pognon de dingue et que voilà, on remettra un jeton dans la machine sur la question de la dette. On dira, voilà, on est endetté, donc du coup, il faut de nouveau créer des plans d'austérité. Dans ce cadre, on comprend toute la logique de la réforme des retraites. Il s'agit de faire payer aux salariés le coût des aides au secteur privé et d'exercer une pression supplémentaire sur les salaires en maintenant des personnes moins productives en poste. Oui, et ben tout ça va évoluer puisqu'on va réindustrialiser la France, évidemment, grâce à Zorro Macron, qui est parti avec un projet de dingue, qui est quoi d'ailleurs ? Qui est la réindustrialisation de la France. Alors, on va plusieurs choses quand même. Hein. J'avais pointé dans Alternative Économique le coût de l'opération Big Pharma. C'est pas Big Pharma, je confonds. C'est les Big Factory. Big Factory, merci. On notera la novlangue qui utilise toujours l'anglais. Ouais. Qui est ridicule en plus. Enfin, c'est dramatique. Bon, ouais, mais bon. Les Big Factory, qui sont des entreprises de 3000 salariés. Enfin, quand je bossais chez Renault... Excuse-moi, c'est les Giga Factory, pardon. Exactement. Ça me semblait qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Une très grande usine en bon vieux français. Quand je bossais, de tout au début que j'ai bossé chez Renault, il y avait 11 000 salariés, hein, je rappelle, quand même, tout simplement. C'est passé très très vite à beaucoup moins, mais c'est plus que les 3 000 salariés annoncés pour Dunkerque. Mais surtout, ce qui était intéressant dans l'éditorial de Christian Chavagneux dans l'Alternative économique, c'était de dire que cette opération, c'est un coût de 5 milliards d'euros. 5,2 milliards, oui. Et 1,2 milliard de la part de l'État français. Donc, c'est bien ce que vient de dire Ludovic, c'est qu'on va encore chercher du pognon ailleurs. Et on sait qu'on le cherche par la dette. C'est quand même un problème aujourd'hui. Et puis par la pression sur les salaires, mais pas les profits. Soyons clairs. Et puis on subventionne sans garantir. Voilà, on donne la possibilité à des entreprises chinoises notamment d'investir, mais en contrepartie, elles n'ont aucune garantie, enfin, elles n'offrent aucune garantie sur le fait de pouvoir maintenir. Donc on n'est pas à l'abri que dans 2 ou 3 ans, si d'aventure la question du marché des batteries serait en train de dégringoler, on ne peut pas complètement garantir le fait que l'entreprise restera sur le territoire. On a déjà connu en France, des entreprises qui avaient été subventionnées et qui avaient été attirées avec des conditions favorables financièrement, qui ont quitté brutalement et qui ont laissé sur le carreau des milliers de salariés. Donc, les conditions, les contreparties, d'ailleurs, c'est assez opaque. Les contreparties, on ne les connaît pas complètement. Oui, alors. Là aussi, Mireille va nous manquer un peu pour expliquer son article, son billet dans Politis. Elle explique, elle donne le titre, c'est le double sens de l'industrie. Hein? Alors, elle donne le double sens de l'industrie, c'est le suivant. Le premier sens de l'industrie, elle renvoie à une activité productive de biens matériels. Elle dit que là, c'est la bataille des chiffres qui se rapporte à cette définition. La seconde signification est implicite dans les débats. Elle renvoie à la puissance économique, politique et militaire d'un pays. Selon cette signification, l'industrie est le mode de production du capitalisme et son histoire et l'industrialisation continue de toutes les activités productives. Et donc, on est bien sur deux façons de concevoir la même chose, en l'occurrence. Hein, c'est un point sur lequel il y a consensus politique. C'est la nécessité de réindustrialiser l'économie française. Là, on est d'accord. Mais quel secteur offrirait des hausses niveaux de productivité et de salaire et gagera la souveraineté productive? Voilà un peu la question qui sont posées dans cet article. Et la question, donc, la façon dont on traite n'est pas sans problème, cette histoire d'industrie, puissance économique et militaire. On retrouve l'idée, peut-être, chez Macron, d'un État entrepreneur, en fait. Mmh. Hein? Cet État entrepreneur, et il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus, c'est Mariana Mazzucato, qui est une italo-américaine, dont le livre vient d'être traduit en français. C'est un livre qui a 2-3 ans déjà, qui a été proposé dans une lecture par Patrice Grevet, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est dans Les Possibles, et qui a écrit effectivement quelque chose sur l'entreprise, l'état entrepreneur. C'est-à-dire que on peut penser donc à partir de là que le modèle très, comment dire, les travaux de Mazzucato se fondent sur les États-Unis. C'est pas un hasard, elle est américaine. Mais elle montre que les entreprises qui sont, qui ont été aujourd'hui les start-up, ceux qui ont innové énormément, n'ont pu innover que grâce à un lourd investissement de l'État dans la recherche, par exemple, spatiale, et dans la guerre aujourd'hui, il faut bien dire ça aussi. Et donc, l'État entrepreneur, c'est un État beaucoup plus puissant, beaucoup plus, comment dire, planificateur. Alors, ça ne veut pas dire la planification de la soviétique, en principe, vous êtes sérieux. Mais c'est un peu l'idée de cette entreprise, de cet État entrepreneur. Et ce n'est pas sans nous poser des problèmes. Puisque, pour revenir à Macron, lui, il est en train de penser, peut-être, allez savoir, la même chose pour le nucléaire. Mmh. Oui, Didier. Mais ce que tu disais aussi pour le rôle de l'État dans l'économie, c'est ce qu'on appelait dans le temps le colbertisme, quoi, hein. C'était quand même une tendance assez, assez forte en France, en tout cas, bon, ne serait-ce qu'avec EDF, avec d'autres... d'autres industries, mais bon, pour revenir à Mireille Brouillère, bon, elle a quand même elle est très critique vis-à-vis de cette réindustrialisation, et elle parle même de désindustrialiser la production, donc elle termine quand même sur des notes assez assez tranchées. Donc plus profondément, il s'agit d'une décroissance drastique de la production de la puissance productive de la filière, d'une baisse de la vision du travail, de la complexité technologique et de la consommation d'énergie. Donc elle termine en disant, ce sont les dimensions d'une même et unique chose, la sortie du capitalisme industriel. Oui, rien de moins. On est complètement à rebours du plan là qui a été annoncé, qui repose sur ce qu'on appelle un technosolutionnisme. L'idée, c'est de dire qu'on va substituer le moteur électrique au moteur thermique, avec l'idée de dire que on va tout changer pour que rien ne change, puisque l'idée, c'est de ne surtout pas toucher au comportement des consommateurs et de notre activité, voilà, qui est attentatoire à la nature et qui, de toute façon, voilà, devra de toute façon à un moment donné nous amener à devenir plus sobre. L'idée, c'est de continuer en disant qu'on aura le moteur électrique et donc du coup on n'aura plus que ça ne consommera plus de CO2. Or, le problème, comme le dit un certain Jean-Dominique Sénère, qui n'est pas un décroissant, qui président de Renault, Jean-Dominique Sénard, donc, qui dans entretien sur France Inter, comme quoi France Inter, des fois, c'est intéressant à écouter, mais mettait en garde contre ce mythe du tout électrique en disant que si on voulait changer l'ensemble du parc automobile français, il faudrait, je le cite, au moins 14 EPR, multiplier par 6 la production d'éoliennes et installer des dizaines de milliers d'hectares de champs solaires en moins de 10 ans. Autant dire que voilà, c'est pas souhaitable, et sans parler aussi du fait qu'on est extrêmement dépendant des métaux stratégiques qui sont en grande partie dans le sol chinois, donc on est extrêmement dépendant, donc ce qui est plutôt cocasse pour un Macron qui nous dit qu'on va assurer notre indépendance. Donc là encore une fois, on a l'impression que qu'on a un État qui finalement est avant tout dans un calcul de court terme, en fait. De toute façon, ce mythe du tout électrique est de toute évidence, non seulement n'est pas souhaitable, mais en plus n'est pas possible d'un point de vue technologique, même si effectivement peut-être qu'un jour on aura la fusion nucléaire, mais même si on a la fusion nucléaire, de toute façon, il faudra bien après des batteries électriques, donc du coup de l'extractivisme et donc du coup des dépendances à la Chine, et puis à un moment donné, de toute façon, on ne pourra plus recycler la totalité des métaux qu'on utilise, et ces métaux sont en quantité finie dans le sol, comme vous le savez. Donc, la sobriété est donc bien notre, ou la décroissance est bien notre horizon Indépassable, t'allais dire. Indépassable, voilà. Et que le technosolutionnisme ne solutionnera rien du tout. Oui, en effet. Alors, donc, je reprends un peu. Puis alors, je trouvais amusant, d'ailleurs, de le dire tout bêtement dans La Voix du Nord, que le patron de Renault France, de Toyota France, pardon, Toyota Europe même, disait que lui, le tout électrique, bah, c'est pas pour tout de suite. Il constatait que en Europe, ils ont produit Toyota 25 000 voitures électriques, alors que Volkswagen avait produit 590 000 dans le même temps. Et il disait que de toute façon, lui, il semblait que les solutions hybrides étaient quand même meilleures pour le moment, compte tenu des possibilités. Alors. Il travaille pas seulement sur le court terme, hein, notre président Ludovic, il dit que les centrales, elles commenceront à voir le jour en 2035. Donc, voilà, autrement donc, dit, en 2045, quoi. Oui, voilà, si tu veux. Donc, ce n'est pas franchement du court terme. Mais il pose aussi en d'autres limites son choix. Bon, aussi d'autres limites. Avec cette idée d'avoir cet état entrepreneur, l'économie générale de mission, mais à partir de quoi ? C'est ça le problème. Alors, je rappelle que, ici à ce micro, lorsque je posais la question à Laurent Cordonnier de cette volonté de lancer le nucléaire en France, disait que pour l'instant, il serait beaucoup plus sérieux d'engager autant de milliards dans la rénovation des habitants, des habitations, dans le chemin de fer. Tout à fait. Voilà. Donc et sur le chemin de fer, apparemment, il y a un sous-traitant, donc le seul sous-traitant ferroviaire donc, qui s'appelle Valdune. Je crois que la dernière usine à fabriquer des roues et des essieux de train en France. Ouais. Qui a été lâché par son actionnaire chinois il y a quelques mois et que, manifestement, l'État français n'a pas l'air de vouloir remettre sur les rails, si vous me permettez ce très bon jeu de mots. voilà, parce que moi, j'ai l'impression qu'on est revenu, vous savez, à Pompidou. Pompidou misait tout sur l'automobile. J'ai l'impression que Macron est le nouveau Pompidou, le Pompidou du 21e siècle. La voiture nucléaire. Voilà, la voiture nucléaire. Bon. Après son côté giscardien, il aurait un côté pompidoulien. Mais... Un dernier mot, peut-être, qu'on se pose, mais on va avoir du mal à y répondre. Hein. Qu'est-ce qu'on fout à Attac avec toutes ces informations sur le sens du travail, la désindustrialisation C'est la question que j'aurais voulu poser à Coutreau et à Mireille, en l'occurrence. Comment peut-on se positionner sur le sens du travail ? Je crois que c'est un peu compliqué pour nous, dans la mesure où on n'a pas des cellules comme Parti communiste dans le temps, dans les entreprises. Mais je ne sais pas si vous faisiez ce travail-là, d'ailleurs, en l'occurrence. Mais je pense que nous, on a intérêt à alerter, à réfléchir sur... tout ce qui est possibilité de nouvelles planifications. Je crois que Didier... c'est quand même dans le cœur du sujet d'Attac, puisque c'est quand même... Attac est quand même privilégie les thèmes économiques et sociaux. Et bon... écologique quand même. Écologique aussi. Ouais, la première chose à faire, c'est évidemment d'informer, mais ça, je crois qu'Attac le fait... régulièrement avec ses publications et aussi avec ses journaux. Et Angle d'Attaque, bien sûr. Et Angle d'Attaque, j'allais le dire. Mais bon, sur les questions soulevées notamment par Thomas Coutreau et d'autres spécialistes du travail, bon, la tâche est rude, comme disait l'autre. Hein, il y a quand même beaucoup de... Les temps ne vont pas spécialement vers une démocratisation du travail et vers tous les thèmes, enfin vers ce qu'il faudrait faire justement pour rendre le travail acceptable et surtout favoriser la participation des salariés dans les organisations de travail. Et on a entendu hier soir dans la conférence que tu as organisée, Didier, que le temps n'est pas non plus à des gens de l'opposition, à des propositions nouvelles dans les médias français, qu'ils soient en papier ou qu'ils soient audiovisuels. C'est vrai. Mais bon, les temps sont difficiles. Voilà. Bon, on a passé une très bonne soirée hier soir quand même à l'École supérieure de journalisme. On arrête là. Depuis que t'es petit, on te répète faut travailler. Oui, je sais que ça t'embête, mais bon, faut travailler. Faut travailler à l'école, faut travailler après l'école. Car si tu travailles à l'école, tu pourras travailler quand t'auras fini l'école. Et tu seras content d'avoir du travail. C'est pour ça que c'est important que dès maintenant tu travailles. Car si tu n'as pas de travail, tu ne sers à rien. Alors que si t'as un travail, c'est super bien. Peu importe le travail, peu importe que tu l'aimes ou pas, l'important c'est d'avoir un travail, un job, un boulot, un emploi. Vivre c'est pas juste exister et mourir 80 ans plus tard. Pour vivre encore faut-il travailler et mourir 80 ans plus tard. Depuis que t'es tout petit, tu entends que le travail c'est la santé. Bon certes, c'est pas toujours évident quand on voit la gueule de ceux qui ont travaillé, mais au moins ils ont eu un travail, c'est le plus important. Car ne plus avoir de travail, c'est très dégradant. C'est plus dégradant que de vider des poulets ou de torcher le cul des vieux. Passer 3 heures dans le RERB pour racler les chiottes de ceux qui disent que c'est par le travail qu'on s'épanouit. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille jusqu'à la fin de notre vie. Et que même quand on sera mort, ce serait pas mal qu'on travaille encore, car travailler c'est génial. Qu'on aille tous se faire cryogéniser, qui sait, peut-être que bientôt on pourra se faire décongeler et travailler à nouveau. Car vivre c'est pas juste exister et mourir 80 ans plus tard. Pour vivre encore faut-il travailler et mourir 80 ans plus tard. Si on a de la chance. C'était Guédré, le travail. Et oui. Vous êtes bien sur Radio Campus 106.6, c'est l'émission Angle d'Attaque. Et on va passer aux actualités d'Attaque. Et on va passer aux actualités d'Attaque. Oui, vous pouvez écouter France Inter. Vous pouvez écouter Angle d'Attaque aussi sur campuslille.com et sur DAB+. Des activités fortes actuellement à Attaque à propos sur le domaine international. Il s'agit de l'appel européen, une semaine d'action du 22 au 26 mai, ça c'était la dernière, contre les acteurs de libéralisation du commerce et d'investissement avec les pays d'Amérique latine. On recommencera quelque chose comme ça en juillet. Le marché commun du Sud, qu'on appelle habituellement Mercosur, regroupe plusieurs pays d'Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. L'accord est en stand-by depuis 2016, il date de 1999, j'y reviendrai peut-être, a retrouvé de la vigueur avec le retour de Lula au pouvoir, qui est vraiment très favorable à cet accord. L'accord donc prévoit la suppression à terme des droits de douane pour les produits exportés par l'Union européenne vers le Mercosur et la suppression des droits de douane à l'importation des biens du Mercosur, bien sûr. Alors pourquoi s'opposer au Mercosur? Je rappelle que Attaque s'est opposé à tous les traités internationaux de commerce internationaux depuis le début. On se souvient de TAFTA, on se souvient de CETA. Et pourquoi le Mercosur? Et pourquoi encore plus maintenant, quoi, hein? Eh bien, c'est-à-dire qu'après 20 ans de négociations menées dans la plus grande opacité, rappelez-vous, hein, ça fait des scandales, les quelques députés européens qui ont pu lire les traités étaient interdits, étaient dans une salle sans moyen d'écrire, sans téléphone portable, évidemment sans ordinateur. Donc voilà, ils avaient le droit d'apprendre par cœur le truc et de le redire à la population. Donc l'accord Union européenne-Mercosur a été annoncé comme conclu en 2019. Il visait principalement à importer plus de viande et de produits agricoles des pays du Mercosur pour exporter plus de voitures électriques, de machines, outils et de produits chimiques. Effectivement, pesticides compris. Le mandat de négociation de la Commission européenne, qui date de 1999, je le disais, ne comprenait aucun objectif de lutte contre le réchauffement climatique ou de protection de la nature. Et donc voilà la raison pour laquelle Nicolas Roux, qui est en charge de ces questions à Attaque France, écrivait « Plutôt que d'offrir de véritables changements comme le prétend la Commission européenne, l'instrument conjoint, c'est un nouvel instrument, c'est encore un vocabulaire européen, l'instrument conjoint qui renouvelle l'engagement des deux parties en faveur du commerce durable, propose ce fameux instrument conjoint, ne comporte aucune nouvelle mesure pour résoudre les problèmes de déforestation, de changement climatique, de violation des droits humains ou du bien-être animal. » Et on sait que Lula, aux prises avec les évangélistes américains, là, a beaucoup de mal avec la forêt et l'Amazonie et beaucoup de mal de protéger précisément les peuplades de l'Amazonie. L'accord Union européenne pousse toujours activement l'Amérique du Sud dans plus d'effondrement écologique et un comportement véritablement néocolonial, d'importer des céréales, enfin, des machins comme ça, ben, et engendre bien entendu les inégalités sociales, comme si on pouvait encore enfoncer le pays de ces pays du Mercosur. De son côté, alors là il faudrait peut-être un peu de musique et des oiseaux qui chantent, Olivier Becht, notre ministre délégué au commerce, déclare « Cet accord contient des dispositions très favorables à nos entreprises. C'est pourquoi nous n'avons jamais été opposés à la signature de cet accord. Le texte de résolution et la position du gouvernement sont très proches. » Ben voilà, pourquoi changer ce qui marche si bien ? Pour le collectif national Stop NAFTA Mercosur, il est tout à fait urgent de renforcer la mobilisation citoyenne et de manifester le 17 et le 18 juillet à Bruxelles, au cours de laquelle la Commission européenne traitera de ces questions. Je passe au national dans la foulée, si vous voulez bien. Manifestation du 17 au 8 juillet contre la loi immigration. Poursuivons la mobilisation, mais c'est le moins qu'on puisse faire. Donc cet après-midi, une manifestation aura lieu rue Inkermann à Lille. On peut pas, il y a des volleyeurs et des volleyeuses sur la place de la République. Donc, une loi soupçonneuse et répressive qui ne peut venir que de le ministre de l'Intérieur, Darmanin, accompagné de le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sans oublier le ministre de les comptes publics, Gabriel Attal. L'intensification des expulsions d'étrangers en situation régulière, c'est le principal objectif quand même, ne l'oublions pas. Et la réforme du système d'asile pour accélérer l'examen des demandes et dans le même temps les obligations de quitter le territoire français, les OQTF, ça, c'est la partie de Darmanin. Des mesures en faveur de l'intégration, contre la création d'un titre de séjour, pour les travailleurs sans papier dans les métiers en peine de main-d'œuvre, ça, c'est la partie du SOP. On va travailler avec les métiers en tension, c'est super. La remise à plat des conditions d'accès aux aides sociales. Il faudra passer 9 mois en France pour avoir droit aux allocations familiales, contre 6 mois aujourd'hui, et fin des versements sur les comptes hors d'Europe quand les aides relèvent de la solidarité nationale. Ça, c'est la partie Gabriel Attal. À Lille, manif donc cet après-midi, rue Inkermann. Merci d'y vous y joindre. National et local à la fois. Le dernier numéro des possibles donc été 2023 est sorti avec un article prometteur de Patrice Grevet d'Attaque Lille, répartition de la valeur ajoutée et financement de l'économie dans une bifurcation sociale écologique. Alors, c'est bien parce que Patrice Grevet m'a envoyé un mail ce matin dans lequel il écrit que cet article s'inscrit dans une recherche sur les institutions qui permettraient aux entreprises d'échapper au but dominant du profit et à l'accumulation du capital privé. La thèse est en effet d'une bifurcation sociale et écologique qui nécessite des changements majeurs à la fois dans l'État et dans les entreprises. On a bien parlé un peu de ça depuis dans l'émission. Voilà, c'est à lire sur le site d'Attaque France, évidemment, c'est gratuit, c'est dans les possibles, dans la revue Publication, vous trouvez les possibles et vous avez une ribambelle d'articles sur les retraites et puis l'article de Patrice Grevet. Au local, ben, c'est Didier qui va se faire le local. Au local, donc, en bref, donc pour le même ordre d'idée, immigration jetable, on a une soirée le 20 juin à la Bourse du Travail, donc à partir de 18h, organisée par la LDH. Ensuite, il y a eu pas mal d'actualités autour du parc Saint-Sauveur. Donc à Lille, on a la sécheresse triomphale. Donc c'est le titre du communiqué de l'association Parc. Et Aspi. Ouais, en effet, le tribunal administratif donne le feu vert pour l'aménagement de la friche Saint-Sauveur à Lille. Mais contrairement à ce que prétendent la mairie et la MEL, avec une certaine désinvolture envers la justice, non, le projet d'aménagement ne peut pas commencer. Pour ça, il leur faudrait enjamber le jugement sur l'intérêt général porté par nos deux associations et pour lequel nous n'avons pas encore de date d'audience et disposer des permis de construire, ce qui n'est pas le cas. Et puis des permis de construire quoi d'ailleurs? Un complexe avec ou sans fosse de plongée, rappel pour la fameuse piscine olympique. Et trois, que notre appel de la décision de vendredi 9 juin soit jugé. Or, il n'est même pas encore déposé. Donc, tout reste à faire. Ensuite, sur une grande interorganisation interdépartementale est en train de se monter pour manifester contre la tenue à Dubaï. Dans les Émirats arabes unis, la fameuse conférence des parties COP28 du 28 novembre au 12 décembre. Le projet est de multiplier les petites manifs locales sur la base du succès des manifs contre les retraites. Une grande manif régionale clôturerait les actions multiples fin novembre. Le 30, carrément. Le 30 novembre. Ce n'est pas tant le lieu qui pose problème que le président, le sultan, le fameux sultan Al-Jaber, donc directeur général de l'Abu Dhabi National Oil Company des Émirats Arabes Unis. Donc, pour mémoire, les COP, Conference of the Parties, est une convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, dont la qualité première est d'être non contraignante. La plus renommée a eu lieu à Paris donc en 2015. L'AES est particulièrement, enfin l'AES, c'est l'Alliance écologique et sociale, est particulièrement sollicitée pour participer à une manifestation régionale. Et on essaiera d'y être. Et enfin, je termine sur les 25 ans d'attaque qui va être quand même dignement fêté certainement au mois de novembre. La date n'est pas encore arrêtée. Donc il y a trois thèmes de réflexion sur les biens communs et services publics d'une part, les grands projets inutiles et un historique d'attaque et des comités locaux, donc avec du théâtre et avec un côté festif et ludique qu'on va essayer de mettre en place. Oui, Florent. Ouais. Trois rendez-vous rapidement. Nucléaire stop ou encore s'organiser face à la relance de l'atome. Virage énergie et l'AMRES invite Yves Marignac, chef du pôle énergie nucléaire et fossile de l'Institut Négawatt, pour une conférence Regard d'experts sur la relance nucléaire. À coup de réunions élysiennes, celle-ci s'accélère depuis l'an dernier et devrait encore s'intensifier dans les mois à venir. Yves nous aidera à voir plus clair dans l'argumentaire pro-nucléaire pour trouver les moyens de répondre à ce retour en force de l'atome. C'est donc à la MRES, 5 rue Jules de Vic à Lille, le lundi 26 juin à 18h30. Donc, inscription gratuite, dont le lien vous pouvez retrouver sur la page du rendez-vous sur Démosphère. Alors, l'atelier d'histoire critique reçoit Nicolas Da Silva, maître de conférence en sciences économiques à l'Université Sorbonne Paris-Nord, autour de son ouvrage « La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé ». L'invention du régime général de sécurité sociale en 1946 n'a pas été le fait d'un consensus national, mais le produit d'une histoire longue et conflictuelle dont la bataille de la Sécu offre un panorama. Deux logiques antagoniques s'affrontent en 1946 qui éclairent les évolutions du système de santé en France jusqu'à aujourd'hui. À la sociale, fondée sur l'auto-gouvernement du système de santé par les intéressés eux-mêmes. Et donc, ça s'oppose à l'État social né de la guerre totale qui fait de la protection sociale un instrument de contrôle de la population. L'étatisation de la sécurité sociale, qui est l'agenda des classes dirigeantes dès 1946, en a subverti le principe de solidarité, ouvrant la voie à un capitalisme sanitaire dont on ne cesse de constater les dégâts. Donc, rencontre le mercredi 28 juin à partir de 19h à la librairie Big Lemois, qui se situe 124 rue Pierre-le-Grand à Lille. Et pour finir, projection de Tout commence de Frédéric Chauffat, documentaire suisse sur la mobilisation de la jeunesse en 2019 dans les rues du monde entier pour alerter sur l'urgence climatique. Alors que leur voix commence à résonner, l'arrivée du coronavirus en 2020 coupe brutalement leur élan et les réduit au silence. Donc c'est organisé par les Amis de la Terre au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille, le jeudi 22 juin à 19h30. Et vous pouvez retrouver ces rendez-vous et bien d'autres sur le site lille.demosphère.net. Ok, merci. Pile dans les temps, Florent. T'as fait très fort.